Chapitre 19e. Un matin qu'il était resté seul à écrire des lettres, Henri se promenait dans l'atelier. Il écarta le voile qui couvrait le portrait d'André et regarda longuement, perdu dans une douloureuse méditation, assailli par mille souvenirs. Voilà donc, pensait-il, ce visage étrange et charmant, ces lèvres que j'ai senties sur mon front. La porte s'ouvrit tout à coup, Jacques entra. Henri tressaillit et laissa tomber le voile. Ils échangèrent un regard et restèrent un instant sans se parler, pâles, l'œil mauvais, ayant sur la figure l'un quelque chose qui ressemblait à de la menace, l'autre l'expression d'une sorte de défi. Tous deux au même moment éprouvaient en plein cœur une souffrance aiguë, celle que l'on ressent quand une vieille amitié se déchire, sous une bouffée soudaine de défiance et de haine, comme une voile fendue du haut en bas par un coup de vent. « Pardon, si je te dérange, » dit Jacques. « Je venais te chercher pour le déjeuner. As-tu fini tes lettres ?»« Oui, sort-on. » »« Je ne sais pas ce que signifie cette plaisanterie d'affecter de croire que tu me déranges. »« Je l'avais cru. Si je me suis trompé, excuse-moi. » Henri, après avoir jeté ses lettres au bureau central de Piazza Colonna, revenait vers Jacques, qu'il avait attendu à quelques pas de la boîte en lisant un journal, quand Henriot lui dit « Demandons qu'au guichet de la poste restante s'il y a des lettres pour nous par hasard. » Mareuil alla au guichet, et Jacques, qui le suivait des yeux distraitement, vit la main de l'employé tendre au jeune homme un pli qu'il saisit d'un mouvement rapide et fit précipitamment disparaître dans sa poche. Henri se retourna aussitôt. Son ami lisait toujours, à la même place, appuyé nonchalamment contre une colonne du portique. Seulement une pâleur mortelle venait d'envahir son visage, car il avait cru distinguer sur l'enveloppe la grande écriture d'André. Mareuil était trop ému lui-même pour s'apercevoir du trouble que Jacques s'efforçait d'ailleurs de dissimuler. « Eh bien, y a-t-il quelque chose ?»« Non, rien. »« Ah, alors allons déjeuner. » Ce jour-là, Jacques s'attacha à Henri comme son ombre, ne le quitta pas une seconde. Ils firent l'ascension du dôme de Saint-Pierre, montèrent jusque dans la boule qui soutient la croix gigantesque. Jacques était nerveux, agité, passait de l'abattement aux éclats bruyants d'une gaieté qui sonnait faux. Son regard se fixait sans cesse sur la poche de côté où était la lettre. Un désir fou, irrésistible de savoir ce qu'André avait écrit, montait en lui, l'envahissait tout entier, ne laissait plus de place pour une autre pensée. Sous l'obsession tyrannique de l'idée fixe, il fut la proie d'effroyables hallucinations. Comme Henri se penchait pour regarder du haut en bas de la coupole, l'envie féroce de l'envoyer se broyer sur les grandes dalles de marbre passa comme un éclair dans son esprit. Mareuil, en se retournant, surprit quelque chose d'étrange dans ses yeux. « Est-ce que tu as le vertige ? » demanda-t-il. « Oui, un peu. Descendons. À propos, je ne dîne pas avec toi ce soir. J'ai été invité ce matin par des pensionnaires de la Villa Médicis. Je passerai la soirée à l'académie. Et toi, que comptes-tu faire ? » ?»« Moi, je vais rentrer à la maison m'habiller. » Et puis après dîner, j'irai entendre un peu de musique à l'Apollo. Ce sera plus agréable que de rester seul à t'attendre. À ce soir, à ce soir. » Et ils se séparèrent, l'un heureux d'être enfin seul, l'autre satisfait de penser qu'il allait pouvoir consacrer toute la soirée à l'exécution de ses projets. Au lieu d'aller dîner à l'Académie de France, Jacques erra dans la ville jusqu'à 9 heures à peu près, sans réussir à dompter par la fatigue la dangereuse exaltation qu'entretenait, en se présentant sans cesse à son esprit, le souvenir du trouble, puis du mensonge de Henri. Indice d'une trahison dont il fallait maintenant trouver la preuve. Quand il jugea que Mareuil devait avoir quitté la maison pour aller au théâtre, il rentra. Dans l'escalier, il croisa un de ses voisins, jeune médecin italien dont il était devenu l'ami et qui occupait un appartement au-dessous du sien. « Eh bien, » dit Monsieur Pasqualucci, « Monsieur Mareuil nous quitte donc déjà ?» Il vient de me dire en sortant qu'il partait bientôt. Rome n'est pas à son goût. Quand vous êtes pâle ce soir. Vous n'avez pas pris les fièvres au moins. Non, non, cher docteur, j'ai seulement un peu de fatigue. Et je vais me coucher. Bonsoir. Il ouvrit la porte de l'atelier, alluma, puis se laissant tomber dans un fauteuil, il parut méditer profondément pendant quelques instants. Cette lettre, pensait-il, ce brusque départ. Mais s'il veut partir, c'est qu'elle le rappelle, c'est qu'elle l'aime. Il se leva d'un bond et se précipita vers la chambre de Mareuil. Sur le lit étaient jetés les habits que Henri avait portés tout le jour et qu'il venait de quitter pour se mettre en tenue de théâtre. Jacques fouilla dans toutes les poches et ne trouva rien. Il ouvrit sans plus de succès les tiroirs de la commode, de la table, du secrétaire. Il commençait à désespérer de découvrir la lettre, cette lettre dont il convoitait la possession avec une sorte de frénésie, lorsqu'il avisa dans un coin la malle de son ami. Elle était fermée, mais il pensa que la clé devait faire partie d'un trousseau qu'il avait aperçu dans un coin du secrétaire. Il ne se trompait pas. Au fond de la malle, un coffret fermé était caché sous du linge. Aucune des clés du trousseau n'allait à la serrure. Jacques l'emporta dans son atelier, courut à la panoplie, décrocha une dague à lame courte et forte, introduisit la pointe dans la rainure du couvercle, pesa légèrement sur le manche de l'arme. Un petit bruit sec lui apprit bientôt que le pen avait cédé. Il ouvrit, la lettre était là. Jusqu'alors, Henriot n'avait pas eu un moment d'hésitation. Il avait visité les poches, les tiroirs et la malle, forcé le coffret sans plus de remords que n'en éprouve en pareil cas un voleur de profession. Quand il n'eut plus devant lui qu'un morceau de papier à prendre dans une enveloppe déjà ouverte, le jeune homme eut honte de l'action indigne qu'il venait de commettre. Il restait là, debout, près de la table, couvrant des yeux cette lettre sans oser la toucher. Mais ce n'était pas l'honneur seul qui lui criait de ne pas aller plus loin. Il lui semblait entendre une voix douce et plaintive qui murmurait à son oreille « Prends garde, ceci est l'irréparable. » Jacques fit quelques pas de long en large, puis brusquement saisit la lettre, l'ouvrit et lut. « Que signifie ce départ? Vous êtes fou, je pense. Si c'est d'amour, je vous excuse. Ne vous en ai-je pas assez dit pour que vous sachiez combien votre présence m'est chère, ingrat? Quand vous étiez à mes pieds, vous ne parliez pas de me quitter ainsi. Ne vous en souvient-il plus? Pourquoi me fuir? Est-ce pour me punir de ne pas m'être assez dérobé? Revenez. Si votre esprit est malade, je le bercerai de ma tendresse et des chansons que vous aimez. Hâtez-vous. Je ne sais pas attendre, et ne vous pardonnerai jamais de m'avoir prise pour Ariane. » La lettre n'était point datée. Une fleur sèche, fixée au bas de la page par une épingle, remplaçait la signature. Le timbre de la poste, sur l'enveloppe, prouvait qu'elle avait été écrite dans les derniers jours de septembre. Jacques ne s'en aperçut pas. Elle avait été adressée à Rouen. La famille de Henri avait fait suivre à Rome, poste restante, car en annonçant à son père qu'il partait pour l'Italie, Mareuil, ne sachant pas qu'Henriot mettrait une chambre à sa disposition, n'avait pas laissé d'adresse. Une fois installé, il s'était empressé de prévenir. Sa correspondance lui avait donc été dès les premiers jours expédiée chez Jacques. En conséquence, il n'avait pas jugé à propos de passer à la poste restante, où le billet d'André attendait depuis près de 2 mois. Cette lettre éclairait plusieurs points que Jacques commençait à discerner vaguement sans parvenir à dissiper tout à fait l'obscurité qui les enveloppait. Il comprenait maintenant et le silence obstiné d'André et les réticences de Mareuil et ses explications embarrassées. La trahison apparaissait dans toute sa noirceur. Il n'était pas jusqu'au voyage de Henri à Rome, jusqu'à son prochain retour à Paris, qui ne parut s'ajouter à l'indignité de sa conduite. « S'il a quitté les Charmilles, pensait Jacques, c'est à la suite d'une querelle d'amoureux. S'il rentre à Paris, c'est que la paix est faite. Dans l'intervalle, le misérable est venu ici pour endormir mes soupçons, me préparer à l'idée qu'André ne serait jamais à moi. » La coïncidence malheureuse de la réception par Henri d'une lettre de la jeune fille le rappelant à Paris et de ce départ qu'il venait précisément d'annoncer au docteur fournissait à Jacques une preuve écrasante de la duplicité de son ami. Il plia la lettre avec plus de dégoût encore que de colère et la remit machinalement dans l'enveloppe. Une immense lassitude l'envahissait. Un besoin de s'étendre, de ne plus penser, de se réfugier dans le sommeil loin des turpitudes. Il se laissa glisser sur une chaise et les deux coudes sur la table, la tête entre les mains, il pleura. Larmes viriles qui coulent sans plainte vaine, trop plein des cœurs gonflés d'amertume qui s'épanchent silencieusement sur leurs amours ou leurs amitiés mortes. Tout à coup, il se redressa. Ses narines venaient de percevoir un parfum connu. Cette senteur musquée qu'il avait respirée sur les mains d'André au moment de la quitter, et dont il se rappela que Mareuil lui avait appris le nom de l'extrait de géranium. Dans le coffret ouvert, en effet, sous des papiers, il découvrit un gant et un mouchoir de femme. Alors il recommença la perquisition avec l'ardeur passionnée d'un amant que la jalousie torture et qui trouve une volupté cruelle à tout savoir. Il vit un cahier dont les feuilles étaient attachées par une faveur bleue fanée et ne reconnut qu'avec peine l'écriture non encore formée de la jeune fille. Le souvenir d'une des lettres de Henri où il était question de ce cahier traversa son esprit. « Dès les premiers jours, pensa-t-il, j'étais donc trahi. » Puis ce fut un morceau de ruban, des fleurs desséchées, une photographie sur le revers de laquelle était dessiné à la plume un oiseau qui plane avec la devise « Soursoum ». Enfin, des maximes hindoues, des proverbes arabes, des citations d'Ossian, de Longfellow, un fragment des Nibelungen mis en vers, des essais de traduction de Heine, des remarques sur la musique de Wagner, des pensées de Maurice de Guérin, de Lamennais et de Proudhon. Mareuil avait eu la faiblesse de conserver non seulement les gages d'amitié qu'elle s'était plu à lui donner dans les derniers temps de son séjour au Charmy, mais même les témoignages du commerce intellectuel qu'ils avaient entretenu d'abord et où la littérature avait servi de déguisement à l'amour. Toutes ces pièces accusatrices passaient l'une après l'autre sous les yeux de Jacques. Il reconnaissait ce qu'il avait appelé quelque temps auparavant, dans son langage d'artiste, la manière d'André. Tel mot qu'il rencontrait lui rappelait un mot analogue dont elle s'était déjà servie autrefois avec lui. Il se dit amèrement « Cela ne varie guère. Moi aussi j'ai des mouchoirs et des gants, une photographie et des fleurs sèches, plus de fleurs sèches même, comme plus anciens, et plus de croquis, comme peintre, moins de maximes, de pensées, de vers, n'étant pas littérateur. Au demeurant, beaucoup de procédés et peu d'imagination. » Il essayait de railler, mais l'ironie n'était point faite pour cette nature impétueuse, en qui toutes les émotions, douces ou violentes, sentiments ou sensations, se répercutaient jusqu'au fond même de l'être. Lentement, la colère montait en lui, dominant tout le reste, tristesse, humiliation, jalousie même. Il se chargeait de fureur, comme un nuage d'électricité avant l'orage. Un pas retentit soudain dans le corridor qui mettait l'atelier en communication avec l'escalier. Jacques saisit un journal, le déploya et l'étendit rapidement sur le coffret et les papiers épars qui disparurent. Une clé grinça dans la serrure. La porte s'ouvrit et Henri s'arrêta sur le seuil, ébloui, au sortir de l'obscurité, par la clarté d'une grande lampe au pétrole, munie d'un réflecteur de métal dont Jacques se servait pour éclairer son vaste atelier. « Déjà entré, dit-il à Henriot. Tu as eu tort de ne pas venir avec moi. Tu aurais entendu Lohengrin. C'était superbe. Ce Wagner a du génie. » « Oui, c'est ce que je lisais tout à l'heure. Ou cela, peu importe. » « Ah, et que diable fais-tu depuis que tu es revenu de l'académie ?»« Je ne suis pas allé à l'académie. Je suis rentré de bonne heure, je t'attendais. » Henri jeta un coup d'œil de côté et fit un pas vers la porte de sa chambre. « Reste, dit Henriot, j'ai à te parler. Tu es bien solennel ce soir. Enfin, soit. Me permets-tu d'ôter mon paletot et de poser mon claque ?» Il s'assit, croisa les jambes et attendit en tambourinant du bout des doigts sur le plastron empesé de sa chemise afin de prendre une contenance, car l'éclat sombre du regard d'Henriot et certaines intonations dures de sa voix lui donnaient fort à penser. « Je viens d'apprendre par Pasqualucci que tu partais, est-ce vrai ?»« Oui, j'y songe depuis plusieurs jours. » Pourquoi ne me l'as-tu pas dit alors ? Parce que j'étais encore hésitant. Et tu ne l'es plus maintenant ? Non. Depuis quand ? Ah ça, mais c'est un interrogatoire, dit-il en feignant de rire pour secouer le malaise qui commençait à le gagner. Sais-tu bien que tu ressembles tout à fait à un juge d'instruction ? Es-tu bien sûr de ne pas ressembler toi à un criminel ? Répondit Jacques sourdement, en se soulevant à demi sur la chaise où il s'était placé à cheval en face de Mareuil. « Que signifie cette plaisanterie ?»« Que j'ai des soupçons contre toi, que je me demande ce qui te rappelle à Paris, que je suis jaloux, enfin. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Ne faut-il pas que je travaille, que je plaide ? Me crois-tu millionnaire ? Non. Mais ne serais-tu pas en train de le devenir, par hasard ? Encore ? Décidément, tu divagues. Un mariage avec André, n'est-ce pas ? C'est là ce que tu crains. Rassure-toi, va. » Pas plus l'un que l'autre, entends-tu ? S'il était arrivé qu'elle eût un instant pensé à moi, ajouta-t-il avec une certaine amertume. « Sois tranquille, je serais oublié depuis longtemps déjà, comme tu l'as été toi-même, parbleu. Songe donc que je suis ici depuis 2 mois. Avec une fille comme elle, les absents ont toujours tort. Alors ce n'est pas pour l'épouser que tu me quittes? Ce n'est pas parce que vous vous aimez et qu'elle t'attend? Non. Tu me le jures? Oui. » Jacques se leva d'un bond, arracha le journal, montra du doigt le coffret, les papiers, la lettre et cria « Canaille !» Henri fit d'abord un geste de profond découragement, puis, se redressant sous l'outrage, debout, pâle, « Je ne force pourtant pas encore les serrures, » dit-il. « Tu fais pire !» Et hors d'état de se contenir, Jacques fit un pas vers lui, la main levée. Henri recula devant ce furieux, et d'un mouvement instinctif, tendit le bras vers la panoplie. Les épées, mal accrochées, tombèrent. Jacques se précipita sur elles, les ramassa en disant « Tiens, au fait !» Il prit une des épées et jeta l'autre à Mareuil. « Donne-moi donc la leçon de terrain que tu m'as promise pour mon duel avec Morincourt. Dis, tu veux ?» Henri croisa les bras sur sa poitrine et répondit « Je ne te dois pas de réparation. Sauf, pendant une minute d'égarement, ma conduite a été loyale. Tu es fou, fou, te dis-je. Tu ne peux pas comprendre. Ah, tu t'es mis à ses pieds. Eh bien, recommence, lâche, à genoux !» Et il fit le geste de poser la main sur son épaule pour le forcer à plier. « Ne me touche pas, ou ?» Mareuil, exaspéré lui aussi, se pencha en avant la main ouverte, comme pour ramasser l'épée. Toutefois, il se redressa et croisa de nouveau les bras. « Mais prends-la donc !» cria Jacques. Et en même temps, d'un coup de sa lame flexible, il fouetta le visage de Henri. Celui-ci poussa un cri, arracha son habit et ramassa l'arme. « Allons donc !» fit Henriot. Il jeta sa veste, repoussa la table et engagea le combat. Tout à coup, dans une parade, la pointe de son épée, en décrivant un large cercle, rencontra le voile qui cachait le tableau, toujours placé sur le chevalet. L'étoffe légère fut rejetée de côté, et le portrait d'André apparut, éclairé en plein par les rayons du réflecteur. Le sourire qui relevait l'angle de ses lèvres paraissait plus mystérieux que jamais. La tête énigmatique regardait d'un air caressant et moqueur. Henri, pâle comme un mort, abaissa un moment la pointe de son arme et le bras gauche allongé tendit un doigt vers le portrait. « Regarde, » dit-il. « Tant mieux, il fallait un témoin, » répondit Jacques d'une voix sombre. 20 secondes plus tard, Henri portait vivement la main à sa poitrine en laissant échapper son épée, tendait encore une fois le bras d'un geste de malédiction et s'abattait tout son long au pied du chevalet. Jacques resta debout, les yeux hagards, tandis qu'un mince filet rouge coulait sur le plastron de Mareuil. Au même moment, on frappa à la porte et la voix du jeune voisin cria gaiement dans le couloir. « Qu'est-ce que vous faites donc? Voulez-vous démolir la maison, messieurs les Français ?» Jacques courut à la porte, l'ouvrit, et poussant le docteur dans la salle. « Ce que j'ai fait, » dit-il, « tenez, regardez. » Et le médecin demeura muet d'épouvante, car c'était un spectacle effrayant, que celui de ce corps étendu, la chemise pleine de sang, au-dessous de ce portrait de femme qui, dans son cadre doré, continuait à sourire. « Eh bien ?» demanda Jacques, avec une expression d'horrible anxiété au docteur qui se relevait après avoir examiné la blessure, ausculté Henri et fait avec son mouchoir un pansement sommaire. « Il vit. Nous le sauverons peut-être. Portons-le sur le lit, doucement. Là. Bien. La tête plus haute. Avez-vous des fleurets ici ?»« Oui, pourquoi ?» « Donnez-moi un. » M. Pascolucci cassa la lame du fleuret sous son pied à quelques centimètres du bouton, la trempa dans le sang qui avait abondamment coulé. « Il faut qu'il y ait eu accident, ne le comprenez-vous pas? Vous l'aurez blessé en faisant un saut avec lui. Un duel sans témoin est une grosse affaire. Donnez-moi ces épées, que je les descende chez moi. Je vais chercher ma trousse et tout ce qu'il faut. C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas » dit-il en montrant le portrait. « Oui, » dit Jacques, et de l'épée encore sanglante qu'il tenait à la main, Henriot fit une large balafre rouge au travers du portrait.